Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. 11e épisode. Pendant le terrible typhon que le Pequod a essuyé dans les eaux du Japon, la foudre a faussé le compas du navire, inversant ses aiguilles. Akab, tel un sorcier, en confectionne un autre avec des pièces de fortune devant l'équipage médusé. Akab est le seigneur et maître de l'aimant, proclame-t-il fièrement. Plus tard, la bouée de sauvetage du navire ayant été perdue, Kikeg suggère que son cercueil pourrait être utilisé désormais pour sauver des vies. Akab, qui observe le charpentier au travail, se demande si les choses réelles ne sont pas dans la pensée plutôt que dans la matière. Un cercueil, devenu bouée de sauvetage, n'y aurait-il pas dans cette singulière transformation, songe-t-il, un sens spirituel? Voilà qui est réjouissant. Un cri de vie dans ce calme de mort vous convertira en homme vertueux. Où est-elle? Trois points tribord sur l'avant, monsieur! Elle vient droit sur nous! À la longue vue, l'étranger se révéla être un baleinier, le Jéroboam de Nantucket. Il courut sur nous, se rangea par le travers sous le vent du Pequod, puis mit une pirogue à la mer. Mais comme Starbuck faisait dérouler l'échelle de côté pour recevoir le capitaine qui nous visitait, celui-ci nous fit comprendre d'un geste de la main que la manœuvre était superflue. Il s'avéra qu'une épidémie maligne sévissait à bord du Jéroboam et que Mayhew, son capitaine, craignant de contaminer l'équipage du Pequod, observait une stricte quarantaine bien que lui-même et les hommes de sa baleinière eussent échappé à la contagion. Il refusa catégoriquement d'avoir un contact direct avec le Pequod. Mais une conversation entre les deux parties put malgré tout avoir lieu, car la pirogue du Jéroboam parvint à garder une position parallèle au Pequod. Lorsqu'une grosse vague déferlante jetait la baleinière en avant, celle-ci était ramenée avec dextérité par ses canotiers à sa bonne place. Il y avait sur un banc de nage de l'embarcation un marin d'aspect singulier, même dans le monde très bigarré de la pêche baleinière, où les équipages sont composés de personnalités plus originales les unes que les autres. C'était un homme de petite taille, râblé, d'allure assez jeune, au visage semé de taches de rousseur, avec une abondante crinière d'un blond filasse. On voyait dans ses yeux l'éclat d'une folie profonde, fanatique, sans remède. Dès que ce personnage parut au regard, Starbuck, qui était penché à la rambarde, se tourna vers Stubb et Flask, qui assistaient à la scène près de lui. « Il me semble que je reconnais ce scaramouche en robe de chambre. Vous voyez ce marin, monsieur Stubb, avec cette étrange vareuse à longue basque, là-bas. Le second du Samuel Enderby m'a raconté son histoire lorsque nous l'avons rencontré. C'est un shaker. » « Quoi, un de ces illuminés qui entre en communion avec les esprits en s'agitant et en se trémoussant ?»« Il a vraiment l'air dérangé, comme tous les membres de sa confession. » Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur Flask. Il faisait partie de la secte des Shakers de Niskayuna, dans l'état de New York. Un jour, au cours d'une de leurs réunions, ce bonhomme est descendu du ciel par une trappe. Il s'est proclamé prophète et annoncé qu'il portait la 7e fiole de l'Apocalypse dans la poche de son gilet. Une fiole ? Oui. Mais on suppose qu'elle contenait non pas de la poudre à canon, mais du laudanum. Saisi d'un étrange caprice apostolique, il quitta un beau jour sa communauté de Niskayuna et se rendit à Nantucket, où il se fit enrôler pour la campagne du Jéroboam. Comment réussit-il à se faire passer pour un marin? La folie a de ses ruses, monsieur Flask. Elle sait prendre, quand il faut, les apparences du sens commun pour parvenir à ses fins. Rien n'est plus vrai, monsieur Stubb. Il s'était donné des allures posées et raisonnables, mais à peine le navire avait-il gagné la pleine mer que les digues de sa raison furent emportées. Il se présenta comme l'archange Gabriel et ordonna au capitaine du Jéroboam de sauter par-dessus bord. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. Et ma vision se poursuivit. Jusqu'à quand, maître, maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alors une énorme masse, embrasée comme une montagne, fut projetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Il rédigea même un manifeste dans lequel il se déclarait libérateur des îles de l'océan et vicaire général du continent océanien. L'inflexible sérieux avec lequel il faisait ses prophéties, le jeu hardi de son imagination exaltée auquel s'ajoutaient les mille terreurs surnaturelles que suscite une vraie démence, tout cela eut au fait de conférer à Gabriel, dans l'esprit des marins ignorants de l'équipage, une auréole de sainteté. Et le capitaine Mayo ? Il était évidemment incrédule. Et comme l'individu refusait de travailler quand tel n'était pas son bon plaisir, le capitaine se serait volontiers débarrassé de lui. Mais lorsque l'archange apprit qu'on se proposait de le débarquer dans le premier port qui se présenterait, il ouvrit aussitôt sa fiole, vouant le navire et son équipage à une perdition absolue si le projet du capitaine était mis à exécution. Il avait si bien manipulé les disciples qu'il avait parmi les marins que tous les hommes allaient retrouver Mayou et menacèrent de déserter en bloc si Gabriel quittait le bord. Le capitaine dut renoncer à son plan. Et tous les marins l'ont suivi comme un seul homme. La plus grande partie de l'équipage était sous la coupe de ce démon. Les hommes exigèrent aussi qu'aucun mauvais traitement ne soit infligé à Gabriel, quoi que celui-ci pût dire ou faire. C'est ainsi que l'archange finit par jouir d'une liberté totale sur le navire. Indifférent à l'autorité du capitaine et de ses seconds, il affermit la sienne. Quand l'épidémie se déclara, il expliqua que c'était la peste qui avait éclaté sur son ordre et continuerait de sévir tant qu'il le voudrait. Les matelots filaient doux. Certains de ces pauvres diables rampaient devant lui et lui rendaient une sorte de culte personnel comme à un dieu. Certains fanatiques semblent posséder un pouvoir quasiment illimité de berner et de mystifier tous les esprits tant soit peu candides qu'ils croisent. Tandis que se déroulait cette conversation à voix basse entre les officiers du Pequod, Akab, depuis la rambarde, écoutait le capitaine étranger, debout à la poupe de sa pirogue, raconter comment l'épidémie s'était propagée dans l'équipage. « Je ne redoute pas ton épidémie, mon ami. Monte à bord !» Mais le marin aux cheveux filasses avait bondi sur ses pieds, et il lança d'une voix véhémente. « Fièvre ! Bonjour, fièvre ! Fièvre ! Et bilieux ! Garde-toi de l'horrible peste !» Le capitaine Mayou tenta de le faire taire. « Gabriel ! Gabriel, je t'ordonne de te taire !» À cet instant, une vague impétueuse projeta la baleinière loin en avant, noyant dans ses bouillonnements les paroles du capitaine du Jéroboam. Les canotiers la ramenèrent rapidement en arrière. « As-tu vu le cachalot blanc ?» Je te somme de te taire ! La pirogue fut de nouveau entraînée vers l'avant comme par une armée de démons. Pendant quelques instants, plus un mot ne fut prononcé. Gabriel avait tourné son regard vers la tête du cachalot que nous avions tué la veille. Suspendue à notre flanc, la tête s'agitait avec violence et Gabriel la fixa longuement, avec plus d'appréhension, semblait-il, que sa nature d'archange ne l'eût justifié. Lorsque cet intermède eut pris fin, Mayou, en réponse à la question d'Akab, raconta une sombre histoire concernant Moby Dick, souvent interrompue chaque fois que son nom était prononcé, par Gabriel et la mer en furie qui semblait s'être liguée avec lui. Nous avions quitté Nantucket depuis peu de temps, lorsque j'appris de bonnes sources l'existence de Moby Dick et l'horreur des ravages que causait le cachalot blanc. Faisant ses délices de cette information, Gabriel nous lança devant tous, à moi et à mes officiers, un avertissement solennel nous exhortant à ne pas attaquer le cachalot blanc au cas où le monstre serait signalé. Le cachalot blanc ! Le cachalot blanc ! Vous avez mis en garde, capitaine ! Les impies seront anéantis par le dieu ! Les impies seront attaqués au cachalot blanc ! Le dieu incarné seront complètement anéantis ! Mais lorsque 2 ans plus tard, les vigies du Jéroboam aperçurent Moby Dick, Macy, le second, fut saisi d'un désir irrépressible de l'affronter en dépit des mises en garde de l'archange. il parvint à convaincre 5 hommes d'armer sa baleinière, et après une poursuite épuisante, il réussit à planter un fer. Il était debout à l'avant de sa pirogue et guettait le moment favorable pour jeter sa lance, quand une ombre blanche, immense, s'éleva de la mer avec des balancements d'éventail qui coupèrent le souffle au canotier. L'instant d'après, le malheureux lieutenant était projeté dans les airs. Son corps décrivit une longue courbe et retomba 50 mètres plus loin. La queue de l'animal emporta mon second sans égratigner un seul bordage de sa pirogue, sans même effleurer un seul cheveu des canotiers. Les accidents de ce genre ne sont pas rares, comme vous le savez. Mais la chose étonnante dans la circonstance est que le corps, lorsque nous l'avons repêché, ne portait aucune trace de violence. Macy avait été tué net. Gabriel était monté à la pomme du grand mât et avait suivi toute la scène. Il lançait des hurlements, menaçant d'ouvrir la fiole. Et non seulement il me fut impossible d'obtenir de l'équipage terrifié que l'on poursuive la chasse, mais à présent, les plus crédules de mes hommes sont persuadés que les prophéties de Gabriel se réalisent infailliblement. Ce terrible événement a conféré à mon archange un surcroît de prestige. Voilà où j'en suis, mon ami. Mais dites-moi, vos questions m'intriguent. Auriez-vous par hasard l'intention de chasser à votre tour le cachalot blanc ? En effet. Capitaine du Pequod, songe aux blasphémateurs ! Songe aux morts envoyés par le fond ! Garde-toi de finir comme le blasphémateur ! Impassible, Akab se détourna et dit à Mayu : Capitaine, je transporte du courrier. Et si je ne me trompe, il y a une lettre pour l'un de tes officiers. Starbuck, voyez dans le sac. Tous les navires baleiniers emportent des lettres destinées à divers autres navires, dont la remise dépend du seul hasard de la rencontre du destinataire dans l'un ou l'autre des 4 océans. Aussi, la plupart des lettres ne parviennent-elles jamais aux intéressés, et beaucoup ne les reçoivent que 2 ou 3 ans, parfois plus, après qu'elles ont été expédiées. Starbuck revint bientôt avec une enveloppe chiffonnée, détrempée, couverte de moisissures vertes. De pareilles missives, la mort elle-même eût pu être le facteur. Tu ne peux donc pas la lire, Starbuck ? Donne-la-moi. Ah, je vois. Ce n'est qu'un gribouillage pâli. Mais qu'est-ce-ci ? Comme Akab déchiffrait Monsieur... l'adresse... Starbuck saisit un manche de louchet et y fit une fente avec son couteau afin d'y introduire la lettre et de la faire passer à la baleinière. On dirait une fine écriture de femme. Oui. Monsieur Harry Macy, navire Jéroboam. Mais il s'agit de Macy, le second, et il est mort. Pauvre garçon! Et la lettre est de son épouse. Mais... donne-la-moi. Sûrement pas. Garde-la pour toi, capitaine du Pequod. Tu prendras bientôt les mêmes chemins. Que tes malédictions t'étouffent. Capitaine Mayu, attention, je vous envoie la lettre. Prenant la fatale missive des mains de Starbuck, Akab la glissa dans la fente de la hampe qu'il tendit vers la pirogue. Les canotiers qui attendaient ce geste cessèrent un instant de nager, de sorte que la lettre se trouva soudain, comme par magie, à portée de la main avide de Gabriel. Il s'en empara aussitôt, attrapa le couteau de la baleinière, y piqua la lettre et le renvoya ainsi lesté sur le pont du navire, où il tomba aux pieds d'Akab. Gabriel, hurlant, ordonna à ses camarades terrifiés de revenir au navire, et la baleinière de Mutin s'éloigna rapidement du Pequod. Les matelots reprirent peu à peu leur travail sur le manteau du cachalot que nous avions capturé la veille. Mais dans les heures qui suivirent, les commentaires allèrent bon train sur cette ténébreuse affaire. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville,